L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Il y a 3 semaines, je vous annonçais la découverte de 47 galaxies d'un type très particulier, des galaxies ultra diffuses, de la taille de la Voie lactée, mais contenant beaucoup moins d'étoiles, donc très peu denses. Ces 47 galaxies avaient été découvertes dans un amas de galaxies très connu, l'amas de Coma. Mais aujourd'hui, une autre équipe de chercheurs est partie à la recherche de ce même type de galaxies, toujours dans l'amas de Coma, et ce n'est pas 47 galaxies ultra diffuses qu'ils trouvent, mais 854. C'est à l'aide du télescope Subaru de 8,40 à Hawaï que les astronomes japonais menés par Jin Koda ont trouvé cette population impressionnante de galaxies ultra diffuses. Leur découverte va bientôt paraître dans The Astrophysical Journal Letters, mais dans sa version préprint publiée sur Archive, on peut se rendre compte de l'ampleur de la trouvaille. Certaines galaxies parmi les 854 font partie des 47 déjà identifiées précédemment. Le point commun de toutes ces galaxies est qu'elles sont composées de vieilles étoiles et n'ont plus de gaz pour en produire de nouvelles. Les astronomes pensent que c'est l'environnement de l'amas de galaxies qui est responsable de la disparition de leur gaz. Les interactions gravitationnelles de galaxies voisines arracherait le gaz qui serait ensuite expulsé par interaction avec le gaz interstellaire environnant. Et il semble même que lorsque les vieilles étoiles de ces galaxies explosent et éjectent leur enveloppe gazeuse, les galaxies ne parviennent pas à retenir ce gaz qui pourrait pourtant leur être précieux pour fabriquer de nouvelles étoiles. Là encore, l'environnement de l'amas galactique semble jouer pour récupérer tout ce gaz. Parmi ces 854 galaxies ultra diffuses, pas moins de 332 ont la taille de notre galaxie, soit environ 40%. Et les astronomes japonais estiment que le nombre total de galaxies ultra diffuses dans l'amas de Coma doit largement dépasser les 1000. La distribution de ces UDG montre qu'elles sont concentrées vers le centre de l'amas, suggérant qu'elles sont de très anciennes membres de l'amas. Elles ont en moyenne une masse stellaire comprise entre 10 millions et 500 millions de masses solaires, seulement. Parmi ces galaxies ultra-diffuses, quelques spécimens de la taille de la Voie lactée apparaissent plus proches du centre de l'amas qu'estimé auparavant. La plus proche du centre n'en est éloignée que de 280 000 années-lumière. Et leur survie dans de tels champs gravitationnels à forte composante d'effets de marée, malgré leur grande taille, fait dire aux astrophysiciens qu'elle serait composée d'une fraction très importante de matière noire, protégeant en quelque sorte les étoiles restantes. D'ailleurs, leur composante baryonique serait de l'ordre de 1% seulement, soit bien moins que la moyenne. Ce qui indique bien une disparition du gaz, formé de baryons, de matière ordinaire, au profit d'un halo de matière noire non baryonique, des particules massives. Si de telles galaxies ultra-diffuses étaient aussi communes que ce qui est observé dans l'amas de Coma, cela impliquerait qu'il devrait y en avoir plus de 100 000 dans un rayon de 330 millions d'années-lumière nous entourant. Or, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est une raison forte qui permet aux astrophysiciens d'affirmer que c'est l'amas de Coma qui a une caractéristique particulière à même de produire cette surpopulation de galaxies ultra-diffuses. Il serait maintenant très intéressant de trouver de telles galaxies de ce nouveau type UDG dans d'autres amas de galaxies, histoire de mieux comprendre les mécanismes qui sont à leur origine. Vous pouvez retrouver l'article de Jin Koda et ses collaborateurs qui est à paraître dans The Astrophysical Journal Letters, mais qui est donc accessible sur le site de Preprint Archive. Je mets le lien en bas du post. Son titre est « Approximately 1000 ultra-diffuse galaxies in the Coma Cluster », dont j'ai repris exactement le même titre pour ce billet d'ailleurs. Bah oui, c'est tellement clair et précis que on ne pouvait pas faire mieux. Allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Gardez bien les yeux au ciel et restez bien les pieds sur terre. Hein ? À très bientôt sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr.